Je ne vous reconnaissais pas. Comment vous reconnaître avec ces sacrés petits chapeaux adorables, d'ailleurs, que vous portez sur l'œil? Si l'on n'est pas du bon côté, c'est impossible. Vous allez bien? Le mieux du monde. Et je peux vous donner des nouvelles de Paulette que j'ai croisée vers 4 heures avenue Matignon. Je peux vous en donner de bien plus fraîches encore. Elle vient de m'accompagner jusqu'ici et elle est tombée sur Madame de Germont qui l'a emmenée prendre le thé. Si je ne suis pas indiscrète, qu'est-ce que vous venez faire ici? La même chose que vous. Vous ne venez pas interviewer Carl Erickson? Justement, si. Eh bien, j'espère. Le rédacteur en chef qui se dérange personnellement pour un phénomène de cette espèce. Les phénomènes se font rares. Il ne faut pas les manquer. Je dois avouer, en outre, que le phénomène en question m'intéresse d'une façon particulière. Car j'ai l'intention d'écrire un livre sur lui. Allons donc. Oui, je le considère comme le prototype de l'acteur de cinéma. Plus qu'aucun autre. Plus que Gary Cooper lui-même. Non, qui joue mille fois mieux que lui. Mais qui n'a pas son étonnante séduction physique. Et puis, sa provenance elle-même est significative. Son père était tchécoslovaque, sa mère était brésilienne, il est né à Bagdad, il a appris le français en Égypte, l'anglais à Lisbonne. Il a ce côté cosmopolite dont raffole Hollywood et qui contribue singulièrement à sa gloire. On ne compte plus ses mariages, on compte ses divorces. Et il paraît que son arrivée hier soir au Bourget a dépassé tout ce qu'on peut imaginer comme enthousiasme. Les femmes jetaient des fleurs sous ses pas. Oui. Entre nous, je trouve ça grotesque, l'idée de se prosterner devant cet homme. Ne vous prosternez pas devant l'homme, mais inclinez-vous devant le fait. Vous avez vu combien de journalistes l'attendent en bas? Oui, et pourquoi d'ailleurs? Puisque M. Erickson ne reçoit que sur rendez-vous comme un ambassadeur. Ne nous en plaignons pas, puisque nous sommes favorisés, vous et moi. Vous avez amené votre photographe? Oui, il est dans le hall. Tout à l'heure, je le ferai monter, peut-être. Oh, pardonnez-moi. Je sais. Pardonnez-moi de vous déranger, mais ce monsieur a poussé le verrou de sa deuxième chambre. Aussi, je suis obligée de passer par ici pour y entrer. De sa deuxième chambre? Oui, monsieur. Il a deux chambres à coucher? Oui, madame. Mais je dois dire qu'il n'y a pas encore de bagages pour celle-ci. Ah, et j'ajoute que ça intrigue tout le monde dans l'hôtel. À commencer par moi. Madame, monsieur... Deux chambres. Il faudra tirer ça au clair. Vous, c'est Latran qui vous envoie? Non, le New York Herald. Ma façon d'écrire l'anglais pas très correcte les amuse probablement car ils viennent de publier coup sur coup 3 articles de moi en conservant les fautes et même en les signalant car ils les mettent en italique. Est-ce que vous avez un contrat chez eux? Non, il m'en propose un magnifique, mais qui m'obligerait à voyager. Je ne veux pas. Dame, quel chemin vous avez fait? Non, mais depuis 2 ans, sans voyager, c'est merveilleux. Vous savez que je vous considère, à présent, comme un des meilleurs journalistes de Paris. Vous êtes bien indulgent. Non, je suis sincère. Mais vous nous négligez un peu depuis quelque temps. Pourquoi? Il faut nous donner plus souvent des articles de vous. Qu'est-ce qui vous retient? La crainte d'abuser. Bon, que vous êtes bête. Et comme vous vous êtes faite aussi, physiquement. Ah oui? Regardez-vous et rappelez-vous comment vous étiez il y a 3 ans. Hideuse à voir. Hideuse est excessif, mais vous êtes méconnaissable. Vos yeux même ont changé. C'est qu'ils en ont vu depuis 3 ans. Et ça se voit. Les hommes n'ont pas cette faculté d'adaptation que vous avez, vous autres. Vous arrivez de Carpentras ou de Quimper, et vous en avez l'air. Au bout d'un an, on se demande si vous êtes née à la Villette ou à Montmartre, et 18 mois plus tard, vous êtes devenue tellement parisienne que la question se pose de savoir si vous n'êtes pas une étrangère. Et vous êtes habillée dans la perfection. Ah, mon Dieu! Quoi donc? Philippe faisant des compliments à une femme. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive. Moi, ça m'arrive pour la première fois. Ah oui? Je ne vous ai jamais fait de compliment? Non, jamais. Mais vous me laissez vous rattraper, merci. Il fallait une occasion. Ah, désormais, je saurais les faire naître. Ah, d'ailleurs, n'oubliez pas que le 15, vous déjeunez chez nous. Non, malheureusement. Pourquoi? Paulette vous a bien invité. Oui, mais c'est impossible. Je suis du 12 au 15 chez des parents à Amiens. Oh zut! Oh, ça c'est vraiment dommage. À qui le dites-vous? Non, c'est vraiment... c'est dommage surtout parce que C'est la fête de Claudine, de Paul, qu'est-ce que je raconte, de Paulette ce jour-là, et que j'ai organisé un déjeuner assez amusant. Enfin, je crois. Et même, j'avais l'intention d'aller plus loin, peut-être. Plus loin? Oui. Je peux vous prendre pour confidente d'un projet dont je n'ai encore parlé à personne. Si c'est pour que je le raconte à tout le monde? Non. Vous calomniez, car vous êtes, quand il le faut, la plus discrète des femmes. Et d'autre part, vous aimez trop Paulette pour me cacher la vérité. La vérité? Mmh. Oui. Vous me faites peur. Non, non, non. Vous allez voir. Est-ce que... Un mot, oui. Pardon. L'idée de me prendre pour confidente vient de vous venir à l'instant même. Oui, pourquoi? Vous n'allez pas le regretter dans 5 minutes? Je ne crois pas, non. Non! Bon, alors parlez, je vous écoute. Si j'épousais Paulette, est-ce que ça lui ferait plaisir? Ah, ça, franchement, je n'en sais rien. Elle ne vous en a jamais dit un mot? Non, jamais. Mm. Nous nous aimons en effet beaucoup, Paulette et moi. Enfin, moi, je l'aime beaucoup. Mais je ne crois pas qu'elle me confierait un secret. La preuve. Ah, mais c'est que ce n'est pas son secret. C'est le mien. Elle ignore tout de ce projet. Alors, comment aurait-elle pu m'en parler? Elle peut le désirer sans savoir que j'y pense. Elle aurait très bien pu vous dire un jour, comment se fait-il qu'après 6 ans de vie commune, Philippe n'ait pas l'idée de m'épouser? Ah oui, en effet, mais non, devant moi, il n'y a jamais fait la moindre allusion. Mm-hmm. Pourquoi n'y en parlez-vous pas? Ben, parce que je voudrais lui en faire la surprise, et j'aimerais qu'elle le désire. Si vous tenez vraiment à lui en faire la surprise, il vaut peut-être mieux qu'elle ne le désire pas. Oui, mais si elle ne le désire pas... Ce n'est pas la peine de l'épouser. Non, là, vous allez trop loin. Mais si elle ne le désire pas, c'est que... Peut-être, elle le redoute. Ah, alors là, c'est vous qui allez trop loin. Ce serait singulier. Mais c'est qu'elle est très singulière. J'entends par là très personnelle, et c'est normal en vérité, puisqu'elle est une actrice, et qu'elle porte un nom qui déjà n'est pas son vrai nom. Elle l'a choisi et l'a rendu célèbre. Or, quand on s'est fait soi-même un nom, on n'a peut-être pas très envie d'en changer. Oui, en effet, vous avez raison. Je n'y pensais pas et c'est à considérer. D'ailleurs, elle ne porterait pas votre nom. Ah si. Dans son sac, sur son passeport. Et alors, en effet, quel avantage en aurait-elle? Puisque de par sa situation d'actrice, elle est reçue partout. Mm. Et puis, je me mets à sa place. Je me demande si cette proposition imprévue ne va pas lui paraître, je ne dis pas bizarre, mais surprenante. Ah, ah oui, on se dit, tiens, pourquoi fait-il ça? A-t-il envie de l'épouser, elle, ou a-t-il envie de se marier, lui? Oui, et j'ai l'impression que si je vous posais la question, vous seriez bien incapable d'y répondre. Et dans ces conditions, je ne sais pas si cette proposition ne m'inquiéterait pas. Eh dame, écoutez, après 6 ans de vie commune, mon amant me dirait tout d'un coup, dans un élan de tendresse, « Chérie, je t'épouse », je me dirais, « Oh, voilà un homme qui m'a trompé et qui a des remords. » Ah non, ça non. Non, Paulette se dirait peut-être, « Oh, oh, voilà un homme qui n'a plus confiance en moi », mais elle ne se demanderait pas si je l'ai trompé. Non. Oui, c'est vrai, pardon, vous ne trompez jamais vos maîtresses. Non, jamais. C'est fabuleux. Il paraît, que voulez-vous, c'est ainsi. Ça ne m'amuserait pas. Et puis, je l'ai vu faire à trop de gens. Et c'est trop compliqué, mentir, dissimuler des lettres, des portraits, simuler des ennuis, faire l'homme nerveux pour éviter qu'on vous questionne, chercher des alibis, avoir des confidents gaffeurs ou bien perfides, donner des coups de téléphone à double entente, trembler pour un parfum qu'on croit révélateur. Et pour ce rouge à lèvres qui ne tient jamais sur vos lèvres, mais qui tient si bien sur les nôtres. Ah non, vraiment. Non, non, j'y laisserai ma bonne humeur. Je préfère rester fidèle. Non, le seul inconvénient d'une telle constance est qu'elle m'oblige à me séparer presque instantanément des femmes que je n'aime plus. Comme je ne veux pas les tromper, il faut bien que je m'en sépare. Car je ne me vois pas bien vivant avec une femme sans l'aimer, vous comprenez? Je ne veux pas les faire souffrir, mais je ne veux pas être malheureux non plus. Et vous seriez malheureux? Auprès d'une femme que je n'aimerais plus? Oh! Un martyr! L'idée ne vous est jamais venue d'épouser une femme parce que vous ne l'aimiez plus? Non, jamais. Ouais, du moins, pas encore. Mais dites-moi, qu'entendez-vous par ne plus aimer une femme? Cesser de la trouver aimable. Ce n'est pas la faute de la femme. Bah, ce n'est pas la mienne non plus. Oui, alors reconnaissez qu'elle est punie sans avoir été fautive. Punie? Vous la quittez. Oh. Ah. Oh, vous êtes bien gracieuse. D'ailleurs, pardon, se séparer, ce n'est pas quitter quelqu'un, c'est se quitter Tous les deux, quand on se quitte, l'un ne s'en va pas plus que l'autre. Ah, il y en a pourtant un des deux qui s'en va davantage. C'est celui à qui on dit « va-t'en ». Ah, mais je n'ai pas dit « va-t'en ». Je suis parti. Je laisse toujours l'appartement. Oui, c'est ça. Vous ne chassez pas, vous abandonnez. Ah, je n'abandonne pas. Je reprends mes billes. Sans vous préoccuper de savoir si l'autre n'a pas encore envie de jouer. C'est un jeu répandu que tant d'autres connaissent. Elle a le choix des partenaires. Et si elle vous aime encore, si elle souffre? Alors je n'ai pas le cœur assez dur pour pouvoir assister à un pareil spectacle. Quel égoïsme! Non, je ne demande pas d'être canonisé, vous savez. Et remarquez bien que je les préviens toujours d'avance. Je ne leur demande qu'une chose, c'est de ne pas me mentir. Et je prends vis-à-vis d'elles le même engagement. Quand l'un de nous deux en aura assez, il n'aura qu'à le dire à l'autre. Chaque fois que j'en ai eu assez, je l'ai dit. Et je suis parti. Mais ce que vous avez fait là à des femmes, si une femme vous l'avait fait... Mais... Une femme me l'a fait. Soyez heureuse. Ah. Mais oui. Et vous avez souffert? Oui. J'ai souffert. Mais... Pas longtemps. Non, pas longtemps. Non, excusez-moi, pas longtemps, parce que je me suis tenu le raisonnement suivant. Puisqu'un jour, certainement, je n'en souffrirai plus, pourquoi attendre et ne pas cesser de souffrir tout de suite? Ah oui, il faut pouvoir se tenir à un raisonnement pareil. Et vous vous étiez quittés bons amis, cette dame et vous? Non, parce qu'elle avait mal agi. Elle n'avait pas tenu son serment. Et pourtant, mon Dieu, lui avais-je assez répété, si un jour tu as envie de me tromper, ce qui est bien naturel en somme, sois gentille, dis-le-moi la veille, et va-t'en tout de suite. Eh bien non, il a fallu qu'elle le fasse sans me le dire. Évidemment. Pourquoi évidemment? À quoi ça a servi? Hein? À faire de moi son ennemi, voilà tout. Je ne vous dis pas qu'elle a eu raison. Mais elle espérait que ça ne se saurait pas. Oh, voyons. Entre amants qui se sont aimés, est-ce que vous imaginez que ça ne se voit pas tout de suite? Tout nous trahit lorsque nous trahissons. Alors, puisque ça se voit tout de suite, pourquoi l'avouer? Ah, mais parce que ce qui se voit tout de suite, ce n'est jamais la preuve, hélas. C'est un petit détail qui fait dresser l'oreille, mais qui n'est pas assez précis pour qu'on ose en parler déjà, dame. On se méfie de soi. L'on ne veut pas risquer d'être injuste. Mais comme d'autre part, on ne tient pas non plus à être berné, alors on commence à surveiller sa compagne. On lui demande à quelle heure elle est sortie, à quelle heure elle est rentrée. On questionne les domestiques. On fait le plus répugnant des métiers et l'on met à la torture une malheureuse dont le crime n'est pas d'être infidèle, mais déloyale. Je lui accorde le droit de reprendre sa parole et de changer d'amant. Mais je trouve inadmissible qu'un monsieur qu'elle connaît à peine soit informé de ma disgrâce avant moi. Non, mais je reconnais que la fidélité n'est pas une vertu qui mène à l'indulgence, au contraire. C'est très cruel, un homme fidèle. C'est même impitoyable. Mais une femme aussi, vous savez, combien on en voit de ces femmes fidèles qui se vengent sur leur mari des infidélités qu'elles n'ont pas commises. Elles s'imaginent qu'elles ont manqué des occasions. Elles en demeurent inconsolables. Elles nous le font payer bien cher. Et vous, vos occasions manquées, est-ce que vous ne croyez pas qu'un jour vous les regretterez? Je les regretterai toutes, quand il sera trop tard. Qu'appelez-vous trop tard? Le jour où une femme me dira non, en mettant sa main, comme ça, entre sa bouche et la mienne. Hein? Dieu me préserve de ce geste. Je ne vous vois pas bien courant un risque pareil. Ah. Vous n'êtes pas homme à perdre la tête. Ah, espérons-le. D'ailleurs, on ne perd pas la tête. Oh, mais si! Ça peut nous arriver à tous. Il se dégage de certains êtres une séduction qui peut devenir irrésistible tout à coup. En voilà un exemple. Tenez, l'homme que nous attendons. En tout cas, votre bel homme, il me semble qu'il nous fait poser. 6h10. Ah oui, s'il n'est pas là dans 5 minutes, on s'en va. Oh, regardez-moi tous ces gens qui l'attendent dehors. C'est grotesque. Ils sont au moins 300, c'est excessif, avouez-le. Mais non, c'est parce qu'il est beau qu'elles sont là 50. Et c'est parce que ces 50 le trouvent beau qu'ils sont là 300. Ah, écoutez-moi. Le voilà. Oui, oui. Oh, tous ces cris, comme pour un roi. Mais c'est un roi, c'est un monarque. Sa couronne est une auréole et ses sujets sont répandus sur tout le globe. Vous êtes fou. Je ne partage pas votre enthousiasme à son sujet. Qu'il soit bel homme, j'en conviens, mais c'est tout. Ah oui, mais c'est ça qui est tout. Non, mais jamais de la vie. Est-ce que ça compte pour un homme, la beauté? L'intelligence? La valeur? La santé? Oui, mais la beauté, oh, Tant mieux si l'homme que l'on aime est beau, en plus. Mais l'aimer parce qu'il est beau, oh non. Vous auriez aimé être beau, vous? Ah, mais je vous remercie. Non, sérieusement, ça vous aurait plu d'être aussi beau que ce garçon? Il est peut-être trop tard pour me le demander, parce que si j'avais été aussi beau que lui il y a 20 ans, je le serais déjà tellement moins que j'en aurais bien de la peine. Alors aujourd'hui, je vous réponds non. Non, voyez-vous, pour moi, ces hommes-là ne sont que des miroirs à alouettes. Vous n'êtes pas une alouette? Oh non, hein? Non. Alors vous n'aimez pas les hommes beaux? Non. Ni trop jeunes non plus? Ni trop jeunes non plus. Alors, hein? Si j'étais libre, j'aurais des chances. Non, avec vous, je ne pourrais pas. Bon, vous ne pourriez pas quoi? C'est à nous de pouvoir ou de ne pas pouvoir. Vous autres, vous pouvez toujours. Et c'est là votre force. Pour me sauver la vie, vous ne le feriez pas? Oh, pour vous sauver la vie, évidemment. Eh bien, vous voyez que vous pourriez. Tandis que moi, même pour vous sauver la vie, je ne sais pas si je pourrais. Enfin, un jour, on essaiera. Eh bien, si pour l'aide, vous entendez. Non, mais elle ne me croirait pas. D'abord, pardon. Pourquoi ne pourriez-vous pas, comme vous dites avec moi? À cause de Paulette. Et puis à cause aussi peut-être d'une autre personne. À cause aussi peut-être d'une autre personne, oui. Ah, tout de même! Tout de même, oui. On ne saura jamais rien de la personne en question? Non, jamais. Ah, c'est horrible. Allons donc. Car enfin, il y a quelqu'un. Ben voyons. C'est un homme. Oui. Paulette ne sait pas qui c'est? Non. Ah, dire que je le connais peut-être. Sûrement pas. Il habite Paris? Non. Oh! Vos parents à Amiens? C'est lui? Exactement. Ah, voilà. Voilà bien avancé maintenant. Ah ben oui, ah oui, parce que là je vois, enfin j'imagine quoi. Qu'est-ce que vous imaginez? Entre 40, 45, marié, deux enfants, grosse industrie, gros ventre. Aucun rapport. Veuf, sans enfants et gendarme. Ah. Bonjour. Bonjour mademoiselle. Do you speak English? Yes, but I prefer speak French. All right. How do you do? Oh, excusez-moi de vous avoir fait attendre, mais je ne suis vraiment pas en faute. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous. Bonjour, monsieur. Bonjour. Oh, je n'ai pas pu faire 10 pas dans Paris. Partout où j'allais, j'étais suivi par 100 personnes. C'est délicieux, remarquez bien, mais c'est quelquefois terrible. Et cette manie des autographes qui s'est répandue dans le monde entier, c'est affreux. Voulez-vous du whisky, du thé, du porto? Non, rien du tout. Non, merci. Oh, qu'est-ce que je disais? Les autographes. Ah, oh, oui, les autographes. Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est ridicule, cette manie? D'autant plus qu'ils vous en font signer sur des petits bouts de papier infects, avec des stylos qui n'ont tout de suite plus d'encre, et des crayons qui ont une mine épouvantable. À propos, il vient de se passer quelque chose d'assez drôle à l'instant. On m'a fait traverser tout le hall de l'hôtel. Oui, le directeur m'avait prié très gentiment de le faire et je n'ai pas pu refuser. Quand je suis entré, toutes les dames qui étaient là se sont mises à applaudir, elles se sont levées et la cérémonie des autographes a commencé. Oui, toutes se sont levées, excepté une. Jeune, curieuse, avec quelque chose d'effarouché dans un visage extrêmement gracieux. Je n'ai vu qu'elle. Je signais, et je la regardais du coin de l'œil. Je lui ai souri, elle a rougi un peu. Alors je suis allé à elle, et je lui ai tendu un de ces petits bouts de papier, en fait, qu'une vieille dame venait de me remettre, et je lui ai dit, puisque vous ne me demandez pas d'autographe, il faut m'en donner un. Elle a souri. Enfin, et elle a signé. Je ne sais plus du tout ce que j'ai fait de ce petit bout de papier, mais c'était très drôle. Cette petite figure étonnée. Oh, cigarette? Oui, merci. Tenez, essayez celles-ci qui sont faites pour moi. Non, je vous remercie. Mais je parle. Quand vous avez sans doute des questions à me poser? Non. Oh, mais vous êtes bienvenu pour m'interviewer. Oui, mais c'est fait. Vous venez de répondre à toutes les questions que je pourrais vous poser. Mon Dieu, est-ce que ce n'est pas un peu sévère pour moi, ce que vous dites là? Non, non, ne craignez rien. Ah, vous, mademoiselle, vous avez des questions à me poser? Oui, trois ou quatre. Où je suis né? Mon âge exact? Combien je gagne par an? Ah non, ça je l'ai déjà lu 12 fois ce matin. Je plaisantais. Je vous écoute. Avez-vous du talent? Quelle est la part du metteur en scène dans la réussite d'un film? Les femmes, en général, sont-elles mieux nues ou habillées? Ni nues, ni habillées. Alors, déshabillées? Quand je les déshabille. Quant à la part du metteur en scène dans la réussite d'un film, quand le film est mauvais, elle est considérable. Il lui sauve la vie. Quand le film est très bon, sa part de réussite est, mettons, de 30-40%. Mais s'il lui arrivait d'avoir un chef-d'œuvre entre les mains, il pourrait l'assassiner sans le vouloir. Quant à moi, franchement, je n'ai pas grand talent. Non. Quand je tourne, on me dit, dites vos mots, ne pensez à rien. Et quand on prend un... Oh, comment dites-vous, close-up? Gros plan. Oui, un gros plan, on me dit, attention, pensez. Ah, je demande à quoi il faut que je pense. On me répond, à rien. Alors, je ne pense à rien de toutes mes forces et ça fait une image de plus qu'on peut placer dans n'importe quelle circonstance. Oh, je voudrais acquérir un peu de talent. Et c'est pourquoi je suis venu en Europe. Je voudrais aller à Londres, à Vienne, à Berlin, à Rome, à Madrid, voir ainsi les grands comédiens et de la salle, prendre quelques leçons. Est-ce que vous pensez que ce n'est pas une bonne idée? Excellente. Je pense en effet que les meilleures leçons sont celles que l'on prend sans que les personnes à qui on les prend en soient même informées. Oh, et comme nous sommes à Paris, où l'on joue la comédie mieux que nulle part ailleurs, soyez gentil de me dire, quels sont vos meilleurs comédiens à l'heure actuelle? Avec plaisir, vous restez longtemps à Paris. Oh, non. 2 jours. Ah. Alors n'hésitez pas, allez applaudir la femme de Monsieur de Morane qui joue en ce moment au gymnase. Oh, au gymnase? C'est une trapéziste, Anne. Non, le gymnase est un théâtre et c'est une excellente comédienne. Oh, bravo, monsieur. Et où est ce gymnase? Sur les grands boulevards. Je vais le noter. Bien, merci, cher monsieur, de nous avoir reçu si simplement et si aimablement. Oh, moi-même, monsieur, je suis charmé que vous vous soyez dérangé. Que j'écrive tout de suite. Oui. Gymnase. Oui, et grand boulevard. Grand boulevard. Oui. D'ailleurs, vous n'aurez qu'à vous présenter au contrôle. Je vais faire téléphoner pour qu'on vous garde une avant-scène. Oh, monsieur, que vous êtes aimable. Non, non. C'est bien naturel qu'on accueille un peu les étrangers, eux qui nous accueillent si bien chez eux. puis-je vous demander si vous avez été photographié en bas? Oh, monsieur. Ah, il nous en fallait au moins ce nombre-là. Monsieur, je vais être très indiscrète. Oh, oui. Est-il exact que vous ayez retenu 2 chambres à coucher? Oh, alors tout se sait. C'est terrible. C'est exact? Oui, mademoiselle. Et non. Je ne peux pas vous dire pour qui je l'ai retenu. Non, il ne peut pas vous le dire. Non, parce qu'il ne le sait peut-être pas encore lui-même. Oui, vous avez deviné. Je fais ça dans toutes les villes où je passe. On ne sait jamais, n'est-ce pas, ce qui peut arriver. Mais comme je ne peux pas dormir avec quelqu'un dans mon lit, je prends cette précaution d'avance. Voilà tout. Ah, c'est... Hein? Je vous serais reconnaissante si vous pouviez ne pas le raconter. Je vous le promets. Oh! Je retrouve l'autographe de cette petite personne. Claudine André. Claudine André, mais c'est mon nom. Comment cela? Par exemple. Permettez. Hein? C'est l'écriture de Paulette. Oh, que ouais. C'est drôle. Oui, j'irai même plus loin. C'est à crever de rire. Hein? Ah. Qu'est-ce que vous me conseillez de leur demander? Ça. Moi, j'ai l'impression qu'ils me donneront facilement 200 francs par article. Ils m'en demandent 3, ça fera 600 francs. C'est bien, hein? Pour un journal qui tira je ne sais plus combien de milliers d'exemplaires, qu'est-ce que c'est que 600 francs? Et puis enfin, entre nous, s'ils veulent avoir des renseignements intimes sur ce garçon-là, ils ne peuvent pas trouver quelqu'un de mieux que sa femme de chambre à l'hôtel, hein? Ça, remarquez bien que si j'étais comme tant d'autres qui ne savent même pas signer correctement leur nom, je ne me permettrais pas de leur demander un prix pareil. Mais n'oubliez pas que quand j'étais au Beau Rivage de Lausanne, j'écrivais tous les jours une lettre de 4 pages à ma pauvre maman. Ça, et sans me vanter, je puis dire que je manie la plume, aussi bien que le plumeau. Bon, depuis ce matin, j'ai tout noté. Ah, tiens, il faut aussi que je note ce que vous m'aviez dit tout à l'heure. Alors, voyons. À 10h15, il a téléphoné d'un théâtre pour commander un souper pour deux. Oh, vous savez pas de quel théâtre? Qui va-t-il ramener avec lui? Oh, dites donc, vous savez pas où on peut se procurer des livres de Georges Sand? Ah ben, vous n'êtes pas bavard! Oh ben, dites donc, avec vous, c'est pas facile de placer un mot, hein? Bon, en tout cas, les voilà qui viennent, alors je vous préviens... Sortez par la chambre. Oh, il n'y a pas moyen de travailler tranquillement ici. Cinq minutes, pas plus. C'est promis. Et je ne ferai rien pour vous retenir. Oh, il vaudrait peut-être mieux me promettre que vous me pousserez dehors dans 5 minutes. Oh, non. Ça, c'est trop me demander. C'est que je commence à me méfier de moi. Pourquoi suis-je sortie du théâtre avec vous? Pour me montrer le chemin. Pourquoi ai-je renvoyé ma voiture? Parce que j'avais la mienne. Pourquoi suis-je montée dans la vôtre? Parce que vous n'en aviez plus d'autres. Et que vous ne pouviez pas vous en aller à pied. Oui. Mais pourquoi suis-je montée chez vous? Parce qu'il n'y a pas de mal à ça. Je ne sais tout de même pas si je le raconterai. Est-ce qu'on doit se vanter de ses bonnes actions? Car c'est une bonne action. Puisque vous allez me donner des conseils. Conseils dont j'ai si grand besoin. Mon Dieu! Oh, madame, quel talent vous avez! Je vous l'ai déjà dit 20 fois dans votre loge et 30 fois dans la voiture, mais je suis prêt à vous le répéter. Jusqu'à demain matin. Si je devais rester ici jusque demain matin, je vous demanderais de me parler d'autre chose. À ce propos, pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir dans ma loge au premier entracte? Parce que sitôt que vous êtes entré en scène, j'ai reconnu la dame à l'autographe et que nous nous sommes regardés un instant tous les deux. Et alors? Et alors, ce regard m'a tellement saisi... Que vous n'avez pas osé venir? Oh non. Que je suis allé tout de suite au contrôle, téléphoner ici et dire qu'on prépare un souper pour deux. Ah! Eh oui. Ah. Et si je n'étais pas venu? Oh, ce n'est pas une affaire, vous savez. J'ai 3 ans de contrat signé avec Hollywood. Ah! Oui, entrez. Servez! Ah non! Ah oui! Ah non! Ah oui! Non, souper, c'est impossible! Pourquoi, le médecin le défend? Non, c'est moi qui ne peux pas. Tant pis. Et heureusement que vous avez 3 ans de contrat signé d'avance. Oh, une petite tasse de bouillon. Vous allez me dire qu'il est consommé d'avance. Une petite coupe de champagne. Est-ce un crime que vous commettez en ce moment? Vous êtes un peuple merveilleux, magnifique, admirable, mais par bien des côtés surprenants. Vous êtes le pays de la liberté, mais aussi des libertés. Vous prenez la Bastille, vous renversez vos rois, vous les guillotinez, vous vous moquez du président de la République, et vous considérez que c'est un crime de souper avec un monsieur à Londres. Le soir, à souper au Savoy, quand on joue le God Save the King et que tout le monde se lève, vous vous dites, pauvres Anglais, quelle servitude. Mais vous ne remarquez pas que dans la salle, il y a au moins 10 couples de gens qui ne sont pas mariés ensemble. Quelle liberté! Mais qu'est-ce que ça doit être alors en Amérique? Oh, en Amérique, c'est quand deux personnes mariées soupent ensemble que cela fait un scandale. À la santé du président de la République. Vous devez boire. C'est obligé, le président, voyons. Mariée ou non, est-ce qu'une actrice comme vous a des comptes à rendre? Mais non. Vous n'avez pas assez de respect des vedettes. Une vedette, c'est sacré. Nous avons tous les droits, vous savez. Car de notre bonheur dépend la joie du public. On ne doit pas nous priver des fantaisies dont nous avons besoin. Ça, c'est très juste. En effet, notre talent doit être alimenté sans cesse. Je vais même encore plus loin. Je vais avec vous. Nous ne devons redouter ni les ennuis, ni les chagrins, ni les déceptions. Bravo! Tout ce que nous éprouvons devient pour nous pâture. Et que ça ne vous empêche pas de manger. Ah. Oui? Si je dois rester encore 10 minutes, il faut absolument que je prévienne chez moi. Oh, je vous en prie, vous avez là le téléphone. Oui. Allô? Allô? Allô? Je voudrais passer 91-32, s'il vous plaît. Oui, merci. Elle va me rappeler. Ah. Oh, je voulais vous demander, comment dites-vous dans la pièce quand le monsieur vous menace de vous quitter? Au deuxième acte, je lui dis qu'il peut s'en aller. Oui, mais comment dites-vous cela? Eh bien, partez. Oh, c'est adorable. Savez-vous quel est le grand malheur? C'est qu'on ne puisse pas faire l'amour avec une actrice comme vous quand elle joue la comédie. Ça serait magnifique. Ça troublerait un peu le spectacle. On vous sonne. Oh! On ne répond pas? Si. Si, c'est justement parce que quelqu'un répondait... Que vous avez préféré ne rien dire, bravo. C'est très bien ainsi, pourquoi inquiéter? Mais c'était plutôt pour rassurer, en fait. Oui, oui, oui, mais la voix peut trahir. Il ne faut pas aller au-devant des choses qu'on redoute. Je vais rentrer. Si vous croyez que c'est mieux pour vous, il faut le faire. Oui. Je vais vous accompagner. Ah, non, surtout pas. Pourquoi? Mais non, parce que je suis trop connue, il ne faut pas qu'on nous voie sortir ensemble de l'hôtel. Non, non, il ne faut pas. Bien, bien, bien. Et ma leçon de comédie? Oh, peut-être pourrais-je vous téléphoner demain entre midi et 1 heure. Si, si, laissez-moi faire, je vais voir comment les choses vont tourner. Alors, nous sommes restés dans ma loge à bavarder après le spectacle pendant plus d'une demi-heure. Vous m'avez demandé de vous donner quelques conseils et j'estime que je ne peux pas vous les refuser. Alors comme ça, vous comprenez, tout devient possible. Oui, oui, oui, mais c'est que demain, je pars. Oh. Merci. Demain? Oui, je comptais rester 48 heures, mais j'ai reçu ce soir un télégramme de Londres et il faut que je prenne l'avion demain de très bonne heure. On doit me présenter un nouveau film autrichien à Denham. Mais vous allez revenir? Oui, dans 2 jours, je pense, mais pour quelques heures, avant de m'embarquer pour toujours. Oh. Vous ne serez pas resté longtemps? Mon Dieu, vous êtes comme si vous aviez foi. C'est ça? Chair de poule? Oh, ne me touchez pas. Je vous fais mal? Mais non. Est-ce possible, mon Dieu, qu'on soit si grande actrice et si petite femme? Ouvrez les yeux. Encore. Et fais comme ça, avec la bouche. Si tu veux que je vienne. Vous pouvez rester encore 5 minutes? Oui. Une petite gorgée de champagne? Peut-être. Oui, c'est une bonne boisson, le champagne. Plus c'est glacé et plus ça réchauffe. Hein? Comme vous êtes photogénique, vous n'avez jamais fait de cinéma? Si, j'ai fait quelques films. Oui, oui, mais le malheur en Europe, c'est que vous n'avez pas assez la technique. Vous avez le talent, les idées, mais la technique, vous ne l'avez pas. Ah, si une femme comme vous venait à Hollywood, quelle carrière fabuleuse vous feriez. Oui, mais partir si loin, toute seule. Et puis cette technique dont vous êtes si fière, n'est-elle pas trop exigeante? Vous craignez de ne pas avoir assez de talent? J'aurais plutôt peur du contraire entre nous. Eh bien, ce que vous aurez en trop, vous m'en ferez l'aumône. Dites, parlons un peu de cela. Est-ce que vous croyez que je pourrais jouer là-haut, la comédie? Mais naturellement. Vous voulez dire si je la joue naturellement? Enfin, pas trop naturellement tout de même. Si vous voulez bien jouer, il faut prendre des risques. Hein? On ne prend jamais de risques au cinéma. Au théâtre, c'est autre chose. Ce sont deux jeux très différents. Si vous voulez gagner, il faut risquer de perdre. Ah. Et dites-moi, est-ce que c'est difficile ou non? Et pourquoi souriez-vous? Figurez-vous qu'à l'époque de mes débuts, j'ai posé exactement la même question à un très, très grand acteur. Mmh. Oui, je lui ai demandé si c'était difficile de jouer la comédie. Il m'a répondu non, c'est impossible. Ah, et qu'est-ce que ça voulait dire? Oh, ça voulait dire beaucoup de choses. Mais cela voulait dire aussi que c'est un don. Ah. Et si vous n'avez pas ce don, c'est assez grave. Okay. En un mot, si ça vous est difficile, c'est que ça vous est impossible. Il faut pouvoir le faire comme ça. Comment reste-t-il? Et on ne peut pas essayer de faire comme ceux qui ont le don? Ah, si. Et il y en a beaucoup qui essaient. Mais alors, à ce moment-là, ce n'est plus un don, c'est un emprunt. Bien entendu. Hélas. Oh, mais je crois que vous l'avez, vous, ce don. Alors, si je l'avais, j'aimerais que nous jouions une scène où vous seriez comme ça, dans mes bras. Mmh. Vous voulez faire aussi la mise en scène? Oh, voilà chair de poule qui revient, hein? Écoutez, si nous devons faire l'amour ensemble, il y aurait peut-être intérêt à le faire tout de suite. Et puisque je vous sens inquiète, pourquoi ne téléphonez-vous pas chez vous tout de suite pour dire que vous êtes retenu par une répétition nocturne? Non. Non, mais je vais demander Auteuil. Auteuil 17-20. Ah oui? Oui. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui vous attendent comme ça le soir? Oh non, non, non. Allô? Allô, je voudrais Auteuil 17-25, s'il vous plaît. Oui, merci. C'est une amie. Mais vous la connaissez d'ailleurs, vous l'avez vue tantôt ici. La journaliste? Oui, c'est ça. Comme elle a l'air intelligente et comme elle est jolie. Elle est délicieuse, elle a beaucoup de talent, elle écrit d'une façon charmante. Allô, allô, allô, c'est toi Claudine? Je ne te dérange pas? Paulette? Oui. Bon, qu'est-ce qu'elle a dans ma voix? Non, non, c'est parce que je viens de monter un escalier en courant. Oh, comme elle joue bien, hein? Figure-toi que j'étais entraînée par toute une bande de cinéastes américains qui étaient au gymnase ce soir, oui, avec Carl Erickson. Nous sommes à Montmartre. Ah. Ils ne veulent plus me lâcher, ils parlent de faire toutes les boîtes de nuit. Avant une heure, je les aurais semées, tu penses bien. Mais d'ici là, je voudrais que tu aies la gentillesse de téléphoner à la maison pour expliquer à Philippe dans quelle situation je me trouve. Oui, ça fait 8 fois que je téléphone. Ou bien c'est occupé, ou bien ça ne répond pas. Oui. Oh, écoute, chérie, oui, rends-moi ce grand service. Dis-lui combien je suis navrée et conseille-lui de ne pas m'attendre. Oui, enfin, qu'il se couche, tu comprends? Oui, je sais bien, mais ce sont des gens très importants et qui me parlent de Hollywood avec une insistance extrêmement flatteuse. Je t'assure que la façon dont ils m'en parlent à mon sujet me semble très intéressante. Ils sont extrêmement emballés sur moi. Hein? Du moins, ils en ont l'air. Et j'estime que c'est mon intérêt d'écouter leurs propositions. Je t'assure que voir à ses pieds un homme comme Carl Erickson, c'est pas désagréable, qu'est-ce que tu veux? Puis enfin, c'est pas un crime que je commets. Enfin, nous qui sommes le pays de la liberté, de toutes les libertés. Mais nous qui avons pris la Bastille, qui avons guillotiné presque tous nos rois, nous vivons comme des esclaves. Non, c'est de ce côté-ci. Oh! Non! Non, je dis, c'est de ce côté-ci seulement qu'on voit ça. Oui. De l'autre côté de la Manche, à Londres, une femme peut souper seule avec un monsieur sans que ce soit un scandale. Mais oui, je le sais bien, chérie. Alors tu téléphones, hein? Tu lui dis que je suis désolée, mais que je suis prise. Hein? Tu sais ce que c'est quand on est prise. Mmh. Mmh. Allô? Allô? Allô, on nous avait coupé. Oh. Ah, écoute, chérie, je te laisse. Oui, ah oui, oui, tu lui... Oui, d'accord. Oui, ah, je t'embrasse, tu téléphones. Je t'embrasse, Claudie. Oui, moi aussi, je t'embrasse. Est-ce que tu crois qu'il va venir? Tu n'en es pas sûre? Mais enfin, tu lui as bien expliqué, n'est-ce pas, que j'étais seule dans l'appartement et qu'il ne rencontrerait absolument personne. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Tu crois qu'il a beaucoup de peine? Oh, avec lui, c'est difficile de savoir. Plutôt calme. Oh, tu as raison, ça peut cacher quelque chose. D'autant plus que c'est tout à fait son genre. Oh, mais je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis dans un tel état. S'il n'est pas venu à une heure, je lui téléphonerai. Non! Non, je veux rester ici. Non, je ne veux pas rentrer à la maison. Oui, ben c'est comme ça. L'autre, je t'en parlerai. Merveilleux. Mais c'est ça aussi qui est terrible, tu comprends? Parce que honnêtement, comment veux-tu que dans ces conditions, j'ai des remords? Bon, on nous demande trop de choses, trop de sacrifices à nous toujours. Et pourquoi faut-il que nos minutes les plus belles soient souvent considérées comme des crimes? Comment tout cela va-t-il finir? Bon, on verra bien. Oui. Et je te préviens que si j'ai besoin de toi, je te téléphonerai sans pitié. Et toi, si tu as l'occasion de passer par ici, n'hésite pas. Hein. Tu es gentil. Je dois même te dire que je ne te croyais pas aussi gentil. Je t'embrasse. Allô? Quel monsieur, il est au téléphone? Il est en bas, mais oui, qu'on le conduise, s'il vous plaît. Oui. Allô, est-ce qu'il y a longtemps que ce monsieur attendait? Oh, vite, qu'il monte. Oh, mon Dieu. Alors, il faut que je me dérange, en plus. Mon Philippe que j'aime! Ah, ça, tu peux le dire. Ah oui, je peux le dire, parce que c'est vrai. Ah oui, je sais que c'est compatible. Oh, pas une seconde, Philippe, je ne t'ai détesté. Eh ben, c'est encore heureux. Mais oui, c'est heureux, tu as raison, et j'en suis fière. Je n'ai pas été contre toi un seul instant. Ah, en effet. Tu n'as joué aucun rôle dans l'aventure. Ben, grâce à Dieu. Car je ne me vois pas bien en surnombre. Et cependant, tu n'étais pas très loin de ma pensée. Moi, je te remercie. Oh, c'était si curieux, si tu pouvais savoir. Je n'ose pas dire que tu me protégeais. Non, tu fais bien. Mais tu n'étais pas l'ennemi. Au contraire, car je te vois si grand, si supérieur aux autres, si différent surtout. Oui, tu es fort aimable, mais ne t'illusionne pas trop. Je ne suis pas si différent des autres. Et d'ailleurs, cette nuit, tu as vraiment fait ce qui est nécessaire pour me faire ressembler à pas mal d'autres hommes. Et c'est vraiment dommage. Dans le bonheur qui te frappe, si j'ose dire, tu ne te vois pas très infidèle. Tandis que moi, hélas, je me vois bien cocu. Oh, ne dis pas ce mot-là. Ah, mais c'est que je n'en vois pas d'autres. Ah, non, pas toi. Ah, non. Non, tu peux dire non tant que tu voudras, tu sais. Mais je dis non parce que c'est non. Non, Philippe, tu n'es pas cocu. Bien loin de là. Être cocu, ce n'est pas ça. Ah, ça y ressemble bien tout de même. Pour un profane, peut-être. mais moi, je ne te vois pas du tout comme ça. Non, Philippe, je vais te dire. Nous sommes tous les deux victimes d'une espèce de catastrophe. Voilà comment moi je vois la chose. Tu es bien gentil de nous mettre dans le même panier, mais je te ferai observer que l'espèce de catastrophe dont tu parles a eu cependant pour toi certains avantages dont j'ai été, moi, singulièrement frustré. C'est vrai, oui. Bon, alors, ne sois pas surprise si mon point de vue diffère un peu du tien. Je le comprends bien, Philippe. Mais d'autre part, il ne faut pas que tu m'en veuilles si je te parle avec cette franchise. Nous nous sommes toujours promis de tout nous dire. Et depuis 6 ans que nous vivons ensemble, nous ne nous sommes rien cachés. Est-ce une raison de se mentir? Mais il n'est pas question de se mentir. Mais il ne faut pas non plus t'imaginer que tu me dis la vérité parce que tu me dis ce que tu penses. Ton absolue sincérité n'est pas une garantie, tu comprends? On n'est pas infaillible parce qu'on est sincère. De même qu'on peut très bien être de mauvaise foi et ne pas se tromper. Ah? Oui. Mais alors je peux pas te raconter ce qui s'est passé? Bah, si tu pouvais me le dire, j'aimerais mieux. Ne me le raconte pas trop. Évite les détails. Et n'en tire pas de conclusion, surtout. Alors, à tes yeux, mon opinion compte pour rien. Je ne peux pas porter un jugement sur ce que j'ai fait. Si, mais porte-le toi-même. Ne me le mets pas sur les bras. Ne cherche pas à me l'imposer. C'est tout ce que je te demande. Remarque bien d'ailleurs que si mon aventure était banale, je me dispenserais de te la raconter. Mais c'est qu'elle est loin d'être banale. Oh, tu vas t'en rendre compte et tu comprendras dans quel état d'esprit je me trouve. Hier à 5h, quand je t'ai déposé ici et que j'ai retrouvé Henriette en bas, pourquoi ne sommes-nous pas allés prendre le thé ailleurs? Fatalité. Et j'ai l'arrière pensée de voir cet homme de près. Je ne le crois pas. D'ailleurs, il n'avait pas à traverser le salon de thé pour monter à son appartement. Pourquoi l'a-t-il fait? Mystère. Il est entré. Je l'ai trouvé très beau comme toi. Beau comme moi? Non, beau comme toi, tu l'avais trouvé beau, tu me l'as dit. Toutes les femmes se sont précipitées et sont allées à lui pour lui demander des autographes. Pourquoi ne l'ai-je pas fait? Parce que je suis moi-même une actrice connue et que j'ai plutôt l'habitude d'en donner que d'en recevoir. Fatalité encore, puisqu'il l'a remarqué. Il est venu à moi et il m'a demandé ma signature. Pourquoi n'as-tu pas signé ton nom? Comment le sais-tu? Parce qu'il me l'a montré que j'ai reconnu ton écriture. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit en dînant? Pour voir si tu m'en parlerais. Ah ben tu vois que je t'en parle. Avec un peu de retard, oui. Bon, réponds à ma question. Pourquoi n'avais-tu pas signé ton nom? Parce que j'ai tout de suite compris qu'il ne savait pas qui j'étais. Et alors pour toi, j'ai préféré écrire un autre nom. Pour moi? Oui, par pudeur. Par pudeur? Mais il te plaisait donc déjà, alors? Peut-être. Oh oui, il est évident qu'il a dû me plaire tout de suite, c'est vrai. Comme tu es clairvoyant, merci. Il n'y a pas de quoi. Et c'est pour ça que j'ai signé du premier nom qui m'est venu. L'aventure était commencée. Elle aurait pu s'arrêter là. Et je n'ai rien fait pour qu'elle se prolonge. Mais 2 heures plus tard, j'entre en scène. Et quelle est la première personne que je vois dans la salle? Lui. Il était au gymnase. Si quelqu'un lui a conseillé d'y aller, ce n'est pas moi. Et pourquoi était-il dans une avant-scène? Parce que j'avais eu la bonne idée de la lui faire offrir. Oui, au début d'une aventure, comme tu dis, le cocu y est toujours pour quelque chose. Comment? C'est toi qui... Oui. Ah, ça, mais ça non plus, tu ne me l'avais pas dit. Il n'y a pas de quoi s'en vanter. Et alors, continue. Bref, il était là, fatalité, toujours. Or, imagine sa surprise quand il m'a vu entrer en scène. Parce qu'il m'a reconnu tout de suite, la dame à l'autographe, c'était moi. Mais j'avais signé Claudine André, c'est drôle. Pas au point de me faire rire. Mets-toi à sa place. Ah, ça serait bien mon tour. J'aurais voulu pouvoir le lui expliquer. Et j'ai passé tout le premier entr'acte à l'attendre, je l'avoue. Il n'est venu qu'au second entr'acte pour me complimenter et tirer au clair l'histoire de l'autographe. En fait, tu vois l'enchaînement des choses. Oui. Et après? Après le spectacle, il est revenu encore. Et alors là, il m'a demandé de... Enfin, n'est-ce pas... Oui, je vois. Oui. Je vois très bien. Et vous êtes rentré ici directement? Directement, oui. Pourquoi ne m'as-tu pas téléphoné toi-même? Je l'ai fait. Comment tu l'as fait? Oui. J'ai demandé la maison et tu es venu à l'appareil. Ah, c'était toi? Vers minuit moins le quart? Oui. Mais alors, puisque je suis venu à l'appareil, pourquoi ne m'as-tu pas parlé? J'ai pas pu. Quand j'ai entendu ta voix, ça m'a serré là. Oh, quelle impression, mon Dieu. Bah, tu avais pourtant là une belle occasion de tenir ta promesse. Ma promesse? Oui. Dame, nous avions convenu, n'est-ce pas, entre nous, que le jour où tu serais lasse de moi, tu me préviendrais la veille. Mais je n'ai pas eu le temps! Je ne pouvais pas te prévenir la veille, puisqu'hier je ne le connaissais pas. Ça a été foudroyant. Mm-hmm. Et puis, Philippe, c'est que je ne suis pas lasse de toi. Nous n'avions pas prévu ce qui s'est passé là. Il t'avait plus d'imaginer qu'un jour je pourrais me lasser de toi et refaire ma vie avec un autre homme. Mais là, il n'en est pas question. L'idée ne m'en est pas venue un seul instant. Alors, quelle est l'idée qui t'est venue alors? Ah, oh, bah, aucune. J'ai perdu la tête. Ah, oui. Quand on perd la tête, il vous vient pas d'idée. Philippe, Philippe, est-ce que tu sais ce que c'est que d'être fasciné? D'être vacciné? Non, d'être fasciné. Ah, non, non. Je l'ignorais moi-même et j'en doutais. Je me disais, c'est faux, on n'est pas fasciné, on est fidèle ou on ne l'est pas. Eh bien, je me trompais. Ça existe, on peut être fasciné, j'en suis la preuve. Cet homme a quelque chose en lui, je ne dis pas de diabolique. Mais de divin. Exactement. C'est fabuleux. Tu en conviens? Non, non, ce qui est fabuleux en ce moment, c'est toi. C'est ton égarement. Mais je ne suis pas égarée, Philippe, puisque je vois les choses exactement comme elles sont. Dis-moi que je suis franche. Oh. Ça, oui, je le suis. Oh, voluptueusement. Et ma froideur te navre. Tu me voudrais déchirer de chagrin, mais pervers. En un mot, tu es surprise et désolée d'être toute nue dans ce peignoir et de penser que je n'en profite pas après ce que tu as fait. Mais oui, mais oui. Comme je suis bête, n'est-ce pas? Oh! Hein? Ça serait merveilleux de m'avoir pour complice. Ça, oui. Et avoue-moi que je suis le seul homme avec qui tu pourrais le tromper. Ça, je te le jure. Oui, mais c'est que malheureusement, là, tu demandes l'impossible. Oh, c'est bien dommage. Ah oui, excuse-moi. Oh. Comme nous voilà déjà devenus différents. Et oui, il n'en fallait pas davantage pour ça. Bon, avec beaucoup d'adresse, involontaire et sans malice, tu m'as présenté ton aventure avec cet homme et j'ai compris ton point de vue. Je vais t'expliquer pourquoi nous n'avons pas le même et je vais employer d'autres mots que les tiens. Toi, tu as dit fascination, fatalité, mystère. Moi, je réponds couchage. Tu peux poétiser la chose. Tu peux même, à ta guise, y voir le doigt de Dieu. Mais que tu le veuilles ou non, tu as tout simplement couché cette nuit avec un acteur de cinéma. Que je ne connaissais pas 2 heures auparavant. Que tu ne connaissais pas 2 heures auparavant. Mais c'est capital. Ah, dans quel sens? Comme excuse. Mais enfin, Philippe, franchement, est-ce que tu me crois responsable de ce que j'ai fait? Moi pas. Mais si j'étais responsable, je serais un monstre. Est-ce qu'on trompe un homme comme toi? Non. Si j'étais responsable, j'aurais des remords. Et j'en ai pas. Est-ce que ça ne prouve pas quelque chose, ça? Ça ne t'étonne pas que je n'ai pas de remords? Si. Mais dis-moi, si tu n'as pas de remords, pourquoi pleurais-tu tout à l'heure quand je suis entrée? Parce qu'il est parti. J'ai du chagrin de son départ. Et heureusement, d'ailleurs, parce que si je n'avais pas de chagrin, qu'est-ce que je serais? Une putain. Oh, est-ce que je suis une putain? Quoi, aujourd'hui? Oh, non. Dans la vie, réponds. Je ne le pense pas. Si je t'avais posé cette même question hier à la même heure, tu m'aurais bien répondu non. Alors, est-ce que tu t'imagines qu'une femme peut devenir une putain en 24 heures? Ça m'étonnerait. Non, Philippe, tu fais fausse route. Il y a là, en ce moment, quelque chose qui t'échappe. C'est possible. Mais toi, il y a quelqu'un qui t'échappe en ce moment. C'est moi. Et je vais t'expliquer pourquoi. Ta nuit passée, maintenant, je la connais. Voici la mienne. Tu serais rentré à 2 heures du matin, tu m'aurais vu très en colère. Tu serais rentré vers 4 heures, tu m'aurais vu navré. À 6 heures, tu m'aurais trouvé pensif. À 7 heures, tu m'aurais réveillé. Oh. Ah oui, mais excuse-moi. Mais dis-toi bien que si entre minuit et quart et 7 heures du matin, on peut faire bien des choses, et tu dois le savoir, on peut se faire à bien des choses pendant le même temps. Et ma foi, je me suis fait à cette idée que tu pouvais m'être infidèle. Je suis tenu le raisonnement suivant, je me suis dit... Puisqu'en ce moment, elle est en train de se faire à l'idée de m'être infidèle, je ne veux pas être en reste avec elle. Alors, moi aussi, je me suis fait à cette idée. Il a dû me falloir un peu plus de temps qu'il ne t'en a fallu à toi. Toi, tu perdais la tête, ça va très vite. Moi, j'ai retrouvé la raison. Ça demande quelques heures de plus. Voilà. Tu as pleuré? Oui. Oh. Mais après le coup de téléphone de Claudine, quand j'ai été tranquillisée sur ta santé, quand j'ai su, oui, qu'il ne t'était rien arrivé de mal, au contraire... et que c'était moi seul que le malheur frappait, j'ai pleuré. Oui, oui, je ne m'en cache pas. Non, je ne m'en vante pas, je l'avoue. J'ai pleuré et même j'ai parlé tout haut. Et dans le silence absolu de la nuit, c'est très étrange d'entendre sa propre voix prononcer un prénom de femme. Oh, tu as dit mon nom tout haut. Non, non, non, ce n'est pas ton nom qui m'est venu. Comment? Non, et... qui s'est passé là est assez curieux au possible. Figure-toi que ce que tu m'as fait cette nuit m'avait déjà été fait une fois. Oui, c'est la seconde fois que je suis trompé par une femme. Eh bien, cette nuit, c'est son nom à elle que j'ai prononcé tout haut. Sans le vouloir, c'est son prénom qui m'est venu. Entre deux sanglots, j'ai murmuré « Suzanne ». Et j'ai souri. Oui, je vous ai confondu toutes les deux pendant une seconde. C'est peu de choses, une seconde. Mais quand elles sont de cette espèce, les secondes sont capitales. Je vous ai confondu parce que tu me faisais vivre des heures identiques à celles que me faisait vivre la personne qui t'avait précédé dans ma vie. Et cette similitude ne diminuait pas la gravité de ta conduite, mais elle lui retirait, du moins, toute espèce d'originalité. Tout ce que je suis en droit de te dire, je te l'ai déjà dit. Tout ce que tu peux me répondre, je l'ai déjà entendu. Non, Philippe, je ne crois pas, puisque je te dis que mon aventure est exceptionnelle. Mon pauvre petit, mais c'est qu'elle n'est pas exceptionnelle. Nous croyons toujours que ce qui nous arrive est exceptionnel. Ce n'est pas vrai. Et dis-toi bien que c'est toujours la même histoire qui nous arrive à tous. D'ailleurs, cette aventure n'est pas ton aventure. Elle est notre aventure. Ce n'est pas ton bien, c'est notre mal. Et même si tu la trouves exceptionnelle, elle ne peut pas me paraître exceptionnelle à moi, puisque je te répète qu'elle m'est arrivée déjà. C'est la première fois que tu me trompes, mais quand je l'ai appris, j'ai failli dire encore. Oh, alors là, évidemment, si tu t'obstines à la considérer comme une aventure ordinaire, elle ne peut avoir qu'un dénouement banal. Mais absolument. Alors comme c'est triste tout d'un coup. Mais je suis bien de ton avis. Car en fait, si tu dis vrai, si je t'ai tout simplement trompé, qu'est-ce que je suis alors? Ne prends pas mal ce que je vais te dire. Tu es une femme. C'est que j'aurais tellement voulu ne pas leur ressembler. Hélas. Il ne fallait pas faire alors ce que tu as fait. Vous êtes si différentes jusqu'à ce moment-là, seulement à ce moment-là, vous êtes toutes pareilles. Oui, mais alors Philippe, tu n'aurais pas dû me démontrer à quel point mon aventure peut paraître banale. Tu pouvais m'injurier, me battre, me tuer ou me chasser, tout simplement, mais tu n'aurais pas dû me démoraliser, Philippe. Tu n'as pas eu pitié de moi. Enfin, déjà, songe à ce que je perds en te perdant. Tu pouvais au moins me laisser mes illusions auxquelles je tenais tellement. Et pourquoi est-ce que j'y tenais tellement? Parce que je ne voulais pas que tu sois cocu. Et grâce à elle, tu ne l'étais pas. Mais toi, tu as voulu l'être absolument. Alors maintenant, ça y est, pour moi, tu es cocu. Sois content. J'ai pas dit sois content. Non, c'est moi qui l'ai dit, parce qu'il faut bien rire un peu tout de même. Non, moi, j'ai pas envie de rire. Mm-hmm. Moi, j'aurais fait mon malheur. Là. Oh, là. Philippe. Alors, mon petit, il faut... Oh, je t'ai mis du rimmel sur ton mouchoir. Oui, oui, non, non, ça ne fait rien, ça. Qu'est-ce que c'est que ça à côté du reste? Alors, mon petit, il faut que nous ayons le courage... Oui, oui. ...de ne prendre aucune décision avant 48 heures. Ah? Oui, cet homme est réellement parti. Oh oui, je te promets, il est parti pour Londres à 8h30 en avion. Mais il m'avait dit qu'il resterait 2 jours à Paris. Oui, en effet, mais on lui a télégraphié hier soir au sujet d'un nouveau film autrichien qu'on veut lui présenter tantôt. Bon, bon. Mais Philippe, je voudrais comprendre. Mmh. Tu veux réfléchir encore? Non, mais je ne veux pas d'une séparation qui serait scandaleuse. Scandaleuse? Oui, je ne tiens pas à accréditer certains potins qui courent déjà dans Paris. Quel potin? Tu n'as pas lu les journaux d'aujourd'hui? Quels journaux? Tu n'as pas vu ton portrait? Mon portrait? Celui-ci, pris dans le hall. En bas, donnant un autographe à ton illustre camarade. Tu penses bien que les journaux le reproduisent. Et tu le verras ce soir dans mon propre journal. L'actualité avant tout. J'ai mis comme légende d'une vedette à l'autre. On nous avait photographié. Oui, on marque bien que ça encore. Mais quand on saura qu'hier soir il est allé au gymnase, quand on saura qu'il t'a rendu 2 fois visite dans ta loge et qu'il n'est pas rentré seul à son hôtel... Oh, ça... Voyons, mais c'est fatal. Tu penses qu'un journal... Un journal encore. Non. Mais dans certains hebdomadaires, qu'est-ce que je vais prendre? D'autre part, j'ai fait la bêtise de dire à 20 personnes que j'avais l'intention d'écrire un livre sur ce garçon. C'est vrai, oui. Alors, je ne tiens pas à ce qu'on se foute de moi trop ouvertement. Alors, dans mon intérêt, excuse-moi, je vais voir s'il ne vaut pas mieux remettre notre séparation de 3 ou 4 semaines. Mais bien sûr, Philippe, tant que tu voudras, tu penses. De 2 mois, de 3 mois. Si tu veux. Et tiens, si tu pouvais attendre jusqu'au 15 septembre, ce serait le rêve. Qu'est-ce qu'il y a le 15 septembre? Mais il y a que la nouvelle pièce de Marcel Achard passe vers cette époque. Et comme je n'en suis pas, je peux très bien aller faire une petite tournée en Égypte. Quand je rentrerai, tout sera fini, tout sera oublié. Non, non, ça, c'est jusqu'au 15 septembre, ça c'est beaucoup. Oui. Ah oui, ça c'est beaucoup. Si je tombais malade, tout simplement. Ah non, par exemple, faut qu'on suppose un suicide, merci. Non, tu as raison, les gens sont si malveillants. Mais Philippe, pendant ces quelques semaines, est-ce que nous allons vivre comme par le passé? Aux yeux des autres, exactement. Bon, bon, parfait. Quel supplice ça va être. Tu me verras très peu. Oh, ça je m'en doute. C'est pas ça qui rendra l'existence plus agréable. Que veux-tu? C'est une habitude à perdre. Et tu ne me laisses aucun espoir de te reprendre un jour? Non, ça ne serait pas loyal de ma part. Et d'autre part, je te conseille d'éviter soigneusement toute allusion à ce sujet. N'en parlons pas. Il me semble que ça vaut mieux. Mon Philippe! Oui, alors, voilà comment les choses vont se passer. Je ne veux pas que tu rentres à la maison sans moi. Vers 1h moins le quart, je penserai te prendre ici. Aujourd'hui? Et, bien entendu, aujourd'hui. Tu n'as pas l'intention de rester 24 heures de plus dans cet hôtel, je pense. J'ai dit au domestique que Madame de Germont avait eu un accident et que tu avais passé la nuit à son chevet. Bon. Tu permets? Oui. Allô? Oh oui, oui, oui, oui, quel monde, bien sûr, oui, tout de suite, merci. C'est Claudine. Tu aurais pu la prier d'attendre un instant. Mais c'est que je voudrais lui demander quelque chose. Est-ce tellement urgent, mon Dieu, que tu ne puisses pas attendre que je sois parti? C'est que c'est quelque chose qui te concerne, que je ne veux pas te dire moi-même et qu'elle te répétera. Oh, comme elle est tout courante, tout, ça n'a pas d'importance. Entrez. Bonjour. Bonjour, chérie. Bonjour, Claudine. Paulette vous attendait avec impatience. Ah oui, pourquoi? J'en sais rien. Viens, veux-tu? Mais oui. Je peux téléphoner d'ici. Oh, je t'en prie, mon chéri. Allô? Je voudrais, s'il vous plaît, Anjou 0402. Merci, mademoiselle. Allô? Allô? Entrez. Qu'est-ce que c'est? Un télégramme, monsieur. Mettez-le là, merci. Allô? Passez-moi monsieur Durmel, je vous prie. Allô? Durmel? Bonjour. Très bien. Dites-moi, je pense à une chose au sujet de la photographie qui passe ce soir et qui représente cet acteur de cinéma, Karl, je ne sais plus comment. C'est ça. Oui. Qui demande un autographe à ma femme. Comme cette photo a déjà passé dans 3 journaux ce matin, truquez-la donc un peu. Demandez qu'on vous donne un cliché de moi, n'importe lequel, vous m'ajouterez à côté d'elle, puisque l'article est de moi. On verra comme ça que je me suis dérangé moi-même. Hein, c'est ça. Sans faute, hein, n'est-ce pas? J'y tiens beaucoup. Merci. Va. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Une commission à vous faire dont je me serais bien dispensée. Ah bon? Pour l'être, vous demande la permission de rester ici encore 24 heures. Pourquoi faire? Je n'en sais rien. Bon, dites-le tout de même. Non, ça m'ennuie. Elle l'attend. Oui. Il doit traverser Paris venant de Londres. Ce n'est pas encore sûr, mais enfin c'est possible. Et elle voudrait lui dire adieu. Une dernière fois. Le coup de grâce. Ah non. Ah non, ça non. Tout de même, non. Je veux bien être bon. Je veux bien être bête, mais je veux pas être idiot. Surtout pas qu'elle me considère comme un idiot. Adieu alors. Et puis la paix. Et la liberté. Et puis zut pour le scandale. Quand on pense qu'hier je vous disais quelle joie j'ai à me débarrasser des femmes qui m'embêtent, j'en éprouve une espèce de honte aujourd'hui devant vous. Par respect pour son talent, je lui ai accordé cette dernière chance. Elle n'en profite pas. Tant mieux pour elle. Tant mieux pour moi. Je lui ferai porter toutes ses affaires ici, dans le courant de l'après-midi. Cette fois, je garde l'appartement. Qu'elle s'est choisie elle-même un domicile. Non, non, en vérité, savez-vous pourquoi je lui ai proposé de retarder notre séparation de quelques semaines encore, pour qu'elle ne me menace pas de se flanquer une balle dans la peau, ce dont l'autre, la précédente, me menaçait sans cesse. Je suis poursuivi par d'intolérables similitudes dont je suis décidé à me foutre éperdument désormais. Ah non. Alors, quand je pense qu'hier, je vous parlais de l'épouser, et pourquoi? Pourquoi? Est-ce que je prévoyais l'accident? Peut-être. Inconsciemment. Prévoyance un peu tardive, heureusement. Non mais quand je pense que depuis 6 ans, je me suis privé de tant de choses. Quand on pense que depuis plus d'une année, je tremble de vous laisser voir le désir que j'ai de vous. Et l'envie folle qui me prend quelquefois de vous le dire. Et de vous le prouver, mais oui. Oh, c'est elle qui l'aura voulu. Tenez. aïe. Le geste redouté. Pardon. Je vous en prie. Oui. Non, évidemment. Évidemment, c'est une grande erreur de croire que parce qu'on est cocu, on a droit instantanément à toutes les autres femmes.